رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ce qui veut dire en français: le Seigneur, c'est lui qui l'adorait. La preuve en est le verset coranique où Allah dit: ô être humain, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé. Peut-être serez-vous pieux. Lui qui a créé la terre pour votre habitation, pour que vous puissiez y dormir et vous reposer, et le ciel d'une structure bien construite, il fit tomber l'eau du ciel, puis par elle il a fait sortir des fruits pour votre subsistance. Ainsi donc, ne donnez pas de rivaux à Allah alors que vous les connaissez. Selon Ibn Kathir, qu'Allah lui soit clément, il dit: le créateur de toutes ces choses est le seul digne d'adoration. Donc, قال المصنف: والرب هو المعبود. Et le Seigneur, c'est lui qui est adoré. الشيخ ابن باز حفظه الله dit: والرب هو المعبود. Et le Seigneur, c'est lui qui est adoré. والعالمين, c'est-à-dire les mondes, المخلوقات كلها, ce sont toutes les créatures. من الجن, parmi lesquels il y a les djinns, والإنس, et l'être humain. والسماء, et le ciel. والأرض, et la terre. وهو ربها سبحانه وتعالى, et c'est le Seigneur de toutes ces créatures, glorifié soit-il. وهو رب الجميع, et c'est le Seigneur de tous. وخالق الجميع جل وعلا, et le Créateur de tous, glorifié soit-il. والدليل قوله تعالى, la preuve en est le verset coranique qui dit: قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé afin que vous soyez pieux. خلق الجميع الذين قبلنا, il a créé tout le monde, ceux qui sont venus avant nous, والذين بعدنا, et ceux qui viennent après nous, من آدم وما قبله وما بعده, depuis Adam et ceux qui l'ont précédé et ceux qui viennent après lui. ثم قال سبحانه, et le très glorifié a dit: الذي جعل لكم الأرض فراشا, lui qui a créé la terre pour vous, pour votre habitation, pour que vous puissiez y dormir et vous reposer. فهو خلق الجميع, c'est lui qui créa toute chose, il y a tout le monde, il y a تقوه, pour qu'il le craigne, ويعبدوه, et pour qu'il l'adore, et qu'il lui donne l'unicité qui lui convient. كما قال تعالى, comme le Très-Haut a dit, لعلكم تتقون, afin que vous soyez pieux. ثم بين سبحانه, puis le Très-Glorifié a bien démontré, بعض أفعاله, il a démontré à ses créatures, hein, parmi ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, subhanahu wa ta'ala, comme قال تعالى, فقال, il dit, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, lui qui a créé la terre pour votre habitation et le ciel d'une structure bien construite. فَجَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا لِلنَّاسِ. Il a fait de la terre, il a fait une habitation pour les gens. وَمِهَادًا لَهُمْ عَلَيْهَا يَسْكُنُونَ. Sur elle, ils se reposent. وَعَلَيْهَا يَبْنُونَ. Et sur elle, ils construisent. وَعَلَيْهَا يَنَامُونَ. Et sur elle, ils dorment. وَعَلَيْهَا يَمْشُونَ. Et sur elle, ils marchent. وَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ. Et il l'a fait tenir par des montagnes fermes. ثُمَّ قَالَ. Puis il dit وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ. Et le ciel d'une structure bien construite. فَجَعَلَهَا بِنَاءً. Il en a fait une construction. وَسَقْفًا مَحْفُوظًا. Et un toit bien gardé. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Et eux, c'est-à-dire les gens, d'après les signes qu'Allah a créés, ils s'en détournent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de signes qui prouvent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَزَيَّنَهَا بِالنُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. Et il l'a embellie par les étoiles, par le soleil et la lune. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Il a fait descendre du ciel une eau. أَيْ مِنَ السَّحَابِ. C'est-à-dire des nuages. As-sahab, en arabe, ce sont les nuages. Un nuage, sahab. Des nuages, suhub. D'accord ? فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Il en a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. أَنْوَاعَ الْأَرْزَاقِ. Toutes sortes de subsistances. فِي كُلِّ مَكَانِ. En tout lieu. وَيُحْيِ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ. Et Allah en fait revivre la terre, بعد موتها, après sa mort. ثم قال تعالى في الخروج فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ainsi donc, ne donnez pas de rivaux à Allah alors que vous le connaissiez. Non, alors que vous savez. Hein? Comment peux-tu donner un rival à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé et c'est qu'Allah qui donne la subsistance à toute créature. أي أشباها ونظراء تعبدونها معه. C'est-à-dire de lui donner des semblables, vous les adorez avec lui. لا صنما ولا جنا ولا ملكا. Même pas une idole, même pas un djinn et même pas un ange. Tu ne dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sans associer. ولا غير ذلك. Et nulle autre chose. فالعبادة حق حق الله وحده. L'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas permise à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل. Il n'a pas de rival ni de semblable. بل هو الإله الحق. Mais c'est plutôt le Dieu véridique. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ. Et les polythéistes يَتَّخِذُونَ لَهُ الْأَنْدَادِ وَالنَّظَائِرُ وَالْأَمْثَالِ. Hein, ils prenaient en dehors d'Allah des rivaux et des semblables. مِنَ الْأَصْنَامِ. Parmi les idoles. وَالْجِنِ. Et les djinns. وَالْمَلَائِكَ. Et les anges. وَيَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et ils les adoraient en dehors d'Allah. وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ. Et ils demandaient secours à eux. فَأَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. Et Allah a rejeté contre eux ce qu'ils faisaient. وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ لَيْسَ لَهَا حَقٌ فِي الْعِبَادَةِ. Et il a démontré que ces créatures n'ont pas le droit d'être adorées, n'ont aucun droit dans l'adoration. وَلَا قُدْرَ لَهَا عَلَى شَيْءٍ. Elle n'est capable de rien. إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ. Si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَقْدِيرِهِ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et là, Cheikh Ben Baz continue dans son commentaire en disant: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. Al-Hafiz ibn Kathir, c'est le grand Mufassir qui a son tafsir qui est connu sous le nom de tafsir Al-Qur'an Al-Azim ou tafsir ibn Kathir. En général, il est publié en 4 volumes. C'est un immense tafsir, un grand tafsir qui a été fait selon la voie des pieux prédécesseurs. Et c'est le meilleur tafsir qu'il y a car il est simple à lire, il est facile à comprendre, hein, et il s'est contenté de commenter les versets coraniques comme le commentait As-Salaf al-Salih. Mais le ulama, dans le degré, ils le mettent en deuxième, juste après le grand tafsir de l'imam al-Tabari. Le tafsir de l'imam al-Tabari, il est immense. C'est un très grand tafsir. Et ce qui est conseillé aux étudiants, en général, c'est tafsir ibn Kathir. Les étudiants, ceux qui, les arabisants, qui sont déjà plongés dans la science islamique. D'accord ? Et l'imam ibn Kathir, il est de Damas, il grandit à Damas et il est enterré à Damas, pas loin de l'université de Damas. Lui et son fils sont juste enterrés juste à côté d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Les trois. L'endroit de l'université de Damas, c'était à l'origine un immense cimetière qu'on appelait Al-Maqbara Sufiya. C'était le nom qu'elle avait. Et lorsque, il y a plusieurs décennies, ils ont voulu faire l'université de Damas, ils ont rasé le cimetière. Vous comprenez? Mais ils ont laissé ces trois tombes-là. La tombe d'Ibn Taymiyyah, la tombe d'Ibn Kathir et son fils. D'accord? Ce sont les trois tombes. Ibn Al-Qayyim est dans un autre cimetière de Damas. Et Ibn Kathir fait partie des plus grands élèves de l'imam Ibn Taymiyyah. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est un contemporain de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Pour dire qu'il c'est un ancien. D'accord? Car Ibn Taymiyyah, rahmallah, a eu beaucoup d'élèves. Et parmi ses grands élèves, ceux ils ont été connus plus tard, il y a eu Ibn Abd al-Hadi, et il y avait l'imam al-Zahabi, et il y avait l'imam Ibn Kathir, et il y avait l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallahu al-Jami'a. Donc, Ibn Kathir, il était mufassir, commentateur du Coran, et il était muhaddith, très grand savant dans le domaine du hadith. Et vous savez le livre de Ahmed Mohamed Shakir, Al-Ba'ith al-Hafiz, dans la technique du hadith, dans Mustalah al-Hadith, c'est le commentaire d'Ikhtisar Ulum al-Hadith d'Ibn Kathir. Et à l'origine, Ulum al-Hadith, les sciences du hadith, c'est l'Ibn Salah, rahimahullah. Et Ibn Kathir en a fait un résumé, et ça s'appelle Ikhtisar Ulum al-Hadith d'Ibn Kathir. Mais le grand savant d'Égypte, Ahmed Mohamed Shakir, rahimahullah, qui est mort à la fin des années 50, il a fait le livre, un petit commentaire de Ikhtisar al-Hadith qui s'appelle Al-Ba'ith al-Hafiz. Vous comprenez? Donc, et c'est aussi, on a dit, un très grand muhaddith. Et c'est aussi un très grand historien. Et son ouvrage dans l'histoire est un des plus grands ouvrages, hein, dans l'histoire musulmane. C'est son grand ouvrage qui s'appelle Al-Bidaya wa al-Nihaya, le début et la fin. Depuis la création d'Adam jusqu'à son époque. Donc, ça c'était pour parler de Al-Hafiz al-Kabir, Imad al-Din, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc, il dit dans son tafsir, Al-Khaliq li-hadhihi al-Ashya, le créateur de toutes ces choses, min sama, comme le ciel, wa ard, la terre, wa simar, et les fruits, wa ashjar, les arbres, wa matar, c'est la pluie, wa ghayru zalika, et bien ou d'autres choses, huwa al-mustahiq lil-ibada, c'est lui qui est en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, wa an yuta', et qu'il soit obéi, li'annahu rabbul jami'a, car c'est le seigneur de tous, wa khaliqu jami'a, et le créateur de tous, kama qala ta'ala, comme le très haut a dit, wa ilahukum ilahun wahid, « La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim » Et votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a de Dieu que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. « Al-Khaliq li hadhihi al-Ashya huwa al-Mustahiq lil-Ibada » Le créateur de toutes ces choses, c'est lui qui est en droit d'être adoré. Donc, on voit là Donc d'après le texte de Mohamed ibn Abdul Wahhab et le commentaire qu'en a fait le cheikh Belbaz Hafidhahullah avec les explications de l'imam Al-Mufassir ibn Kathir, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul d'être en droit d'être adoré. Car beaucoup de personnes ne comprennent pas le terme adoration. Beaucoup font des choses qui sont des adorations, mais eux disent que ce ne sont pas des adorations. C'est pas eux qui décident, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Quraysh qu'ils étaient des mouchriquins, eux ils ont dit non, on s'en sert seulement pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que des intermédiaires. C'est non. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est du polythéisme. Pas la peine de vous légitimer en essayant de dire non, c'est pas elle qu'on veut, c'est pas cette pierre-là qu'on veut adorer, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah pour arriver à lui, il faut passer par ces choses-là. Ce n'est pas à vous de décider comment il faut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah envoie des prophètes, Allah envoie des messagers pour vous enseigner comment il doit être adoré, et quels sont ses ordres, et quels sont ses interdits. Ce n'est pas à nous de décider qui nous sommes, nous. Quel pouvoir avons-nous? Quelle force avons-nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes choses, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète. Allah, il est le créateur, et il sait mieux que nous ce qui est un bien pour nous, ce qui est un mal pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pour ses créatures que le bien, donc il nous montre le chemin qui mène à son paradis et à son agrément, mais il montre aussi le chemin qui mène à son enfer et à sa colère et à son pourvoi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que les gens, il faut arrêter de se légitimer. Il faut mettre un stop et se dire, est-ce que ce que je fais est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de le faire? Ça, il faut bien le savoir. Donc c'est bien pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit vous tous, vous entrerez au paradis sauf celui qui ne veut pas. Il dit au message d'Allah, mais qui ne veut pas aller au paradis? Il dit celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Car c'est la décision qui a été prise par qui? Par la personne elle-même. Tu veux obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le faire. Mais si tu ne veux pas, c'est que c'est toi. Donc tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de tes actes et de tes œuvres. Donc c'est pour ça qu'il parle de ce point-là, parce que quelques-uns pourraient dire pourquoi il s'attarde à parler sur le domaine de l'adoration. C'est parce que c'est un domaine qui est mal compris. Car le musulman, toute sa vie, elle doit être une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vis dans le licite, hein, avec l'intention d'être que dans le licite, qu'Allah soit dans le licite, là tu es en adoration. Lorsque tu t'éloignes de tout interdit, hein, tu t'efforces de t'éloigner de tout interdit, là tu es en adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute ta vie elle doit être une adoration, et c'est pour ça qu'on dit l'adoration sur le sens global, le sens général du terme, hein? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette chose là car beaucoup ne comprennent pas, et c'est pour ça que lorsqu'on discute avec des gens, c'est parce qu'à l'origine sur les termes on n'est pas d'accord. Donc c'est pour ça que pourquoi des fois les ulama ils parlent de mafahim yajibu an tusahhah, des compréhensions qui sont à revoir, qu'il faut authentifier. Vous imaginez, on est obligé de tout reprendre à zéro, même dans les termes qu'on emploie. Parce que quelqu'un, toi, quelqu'un par exemple, il dit le tawassul yajouz, mais lui il entend le tawassul qui est accepté en islam. Ceux qui sont en face de lui disent ah lui il est bien, il a dit le tawassul yajouz, eux ils vont comprendre le tawassul que eux font. Donc il faut reprendre le terme tawassul, et ça pour le faire avec n'importe quel terme. Tawassul, il faut le reprendre à son origine. Quelqu'un dit un tawassul la yajouz, ou alors il dit telle façon de faire le tawassul c'est la tajouz, c'est mieux comme ça. Telle façon de faire le tawassul la tajouz. Ces gens-là ils vont partir, ils vont dire un tel a dit que le tawassul il n'existe pas, alors que lui c'est pas ce qu'il a dit, il a dit que cette manière-là elle n'existe pas. Donc il faut tout reprendre. Et c'est pour ça que cher Al-Albani Hafidhahullah, lorsqu'il parle pour que les musulmans reviennent vraiment à leur religion, qui parle de quoi? At-tasfiyya ou at-tarbiyya. Pourquoi at-tasfiyya? C'est un nettoyage. C'est que le sûr que musulman est obligé de toujours faire un nettoyage. Un nettoyage complet, et après remettre que la science utile, que la vraie compréhension. Mais après, il faut une tarbiyya sur cet islam authentique. Il faut une éducation sur cet islam authentique. Il faut s'éduquer dessus. Mais avant de s'éduquer, on est obligé d'enlever tout. Fausse compréhension, toute fausse science qui est fausse, et remettre à la place que la vraie compréhension, la vraie religion, la vraie aqidah, et ainsi de suite, et puis s'éduquer dans ce droit chemin. C'est pour ça que c'est très important, ce point-là, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Et c'est sur cette domaine-là que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Quraysh mushrikin. Quraysh, fi tawhid al-rububiyya, ils avaient très bien compris. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Et qui l'a créé eux-mêmes, ils te diront c'est Allah. Quraysh, ils reconnaissaient ça. Ils ne disaient pas c'était Ruben, voilà, telle idole. Non, ils le savaient. Mais c'est Tawhid al-Ibada, qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, hein, la l'unicité dans l'adoration, que tu ne dois adorer toute dévotion, toute adoration, toute offrande, que ta vie et ta mort, tout n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce domaine-là, c'est là où ils ont fait du chef. Et c'est pour ça que ceux qui essayent d'expliquer Tawhid, par Tawhid al-Rububiyya, ça ne suffit pas, car Quraysh, ils y croient au Tawhid al-Rububiyya. Donc lorsque l'établir, ils vous disent, les six sifat, et la première, c'est kalimat tayyiba, la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, ça c'est une vérité, mais ce n'est pas, ça ne suffit pas. Il faut entrer dans Tawhid al-Ibada. Et si on entre dans Tawhid, c'est toute leur façon de vivre qui est à revoir. Donc c'est pour ça que ça va être un très grand problème. Et c'est pour ça que lorsque les jama'at, ils vous disent, nous n'entrons pas dans des domaines où il y a divergence, lorsqu'ils vous parlent de Tawhid, vous parlez de Tawhid al-Rububiyya. Tout le monde est d'accord. Même le plus grand bâle, il est d'accord pour dire que c'est Al-Khalq ou Allah. Ou Al-Razq ou Allah. Il ne dira pas autre chose. Même les chrétiens et les juifs, c'est qui a créé la terre et les ciels. Mais lorsque tu rentres dans Tawhid al-Ibada, c'est là que tout le monde se sauve. Tawhid al-Rububiyya, c'est là que tout le monde se sauve. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le grand problème. C'est là où il y a le grand problème. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a l'importance de ce point-là. Tawhid al-Ibada, c'est un point qui est très essentiel. Tu ne dois adorer Allah, oui, mais comme Allah te l'a demandé. Et comme son prophète s'en te l'a montré. Hein? C'est pas comme toi tu veux, ou comme ta secte elle veut, ou ton cheikh il veut. Non. Donc c'est pour ça que c'est un point très important. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris ce que je veux dire par là? Hein? Donc c'est pour ça que ce domaine-là est très important. Tawhid al-Ibada. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que quand tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh, vous qui avez cru, Allah SWT, là le discours il est envers qui? Envers ceux qui ont cru. Donc déjà c'est ceux qui ont la foi. Obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui ont le pouvoir d'entre vous. Les ulama expliquent ceux qui ont le pouvoir d'entre vous, ce sont les gouvernants et les ulama. D'accord? Hein? Et si vous divergez dans quoi que ce soit, retournez-vous-en à Allah et à son messager. Les ulama expliquent à Allah, c'est-à-dire à son livre, à son messager, c'est-à-dire à sa sunna. Et Allah il termine par in kuntum tu'minu billahi wal akhir. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Alors qu'il avait déjà commencé par « Oh, vous qui avez cru ». Pour voir comment c'est le renforcement. Parce que plus le plus croyant, ça, normalement, plus ta foi est forte, et plus tu acceptes la loi d'Allah, et plus tu acceptes la loi du prophète. C'est étonnant de voir des gens qui contredisent l'ordre d'Allah, qui contredisent l'ordre du messager du Rasul, pour la parole d'un tel ou d'un tel. C'est étonnant. On les voit même des fois à fond dans l'ibadah. C'est pour ça que l'ibada est seule, elle ne suffit pas. Allah, il ne veut pas être adoré par ignorance. Lorsque tu fais l'adoration, il faut que tu saches pourquoi tu l'as fait. Et tu saches que, et tu sais qu'il faut la faire. Et combien ils font des adorations, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas s'il faut la faire ou pas. Mais ils la font parce que par imitation. Et c'est pour ça que lorsque l'homme, à l'époque des enfants d'Israël, comme le prophète Sassam rapporte, l'homme qui a tué 99 vies, et il a voulu se repentir, et il a demandé qu'on lui montre qu'on le dirige vers le plus grand savant de la terre. On l'a dirigé vers un adorateur. Un adorateur, il adore Allah. Mais il ne connaît rien. Et l'église lui a dit, voilà, j'ai tué 99 vies, est-ce qu'Allah pourrait accepter ma tauba? Il a dit, non, toi, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de tauba. Il n'y a plus de repentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a tué. Ben, oui, il n'y a plus de repentir. Il l'a tué. Ça a fait 100. Après, son repentir est revenu. Il a voulu reprendre son repentir. Il a demandé, quel est le plus grand savant? Et là, on l'a dirigé vers un savant. Et il a dit, oh un tel, j'ai tué 100 vies. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Le limite. Qui veux-tu entre toi et ton Seigneur? Mais je te conseille, parce que tu te trouves dans un coin qui est mauvais. Ça veut dire, même si tu fais tawbah, tu vas retourner dans ton milieu, tu auras du mal à garder ta tawbah. Tu vas retourner dans ce que tu étais. Voilà l'importance du milieu. Donc il lui a dit, mais je te conseille, va vers tel village où ses habitants adorent Allah subhanahu wa ta'ala et reste avec eux jusqu'à ce que la mort te vienne. Il n'a pas donné seulement une réponse, oui Allah il peut te pardonner, mais en même temps il m'a donné le remède, c'est de partir. Et ça, Charles Al-Bani, il s'en sert comme dalil pour le hijra. Je crois qu'il est, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas envie de me tromper, je crois qu'il est dans le Bukhari. C'est le grand homme qui raconte ça. Donc, ça c'est dans le domaine de la tawbah, car Allah subhanahu wa ta'ala, ses portes elles sont grandes ouvertes pour le repentir. Imaginez-vous, il a tué 100 personnes. Vous imaginez? Donc, cet homme-là il est parti. Et en plein milieu du chemin, la mort elle lui est venue. La mort, il est mort. Et là, les anges sont venus. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Chacun voulait le prendre. Les anges du châtiment, ils ont dit, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Et en plus, il a tué. Donc, il faut que c'est nous à nous de le prendre. Et les anges de la miséricorde, ils ont dit, non, il s'est repenti. En plus, il allait vers tel village pour adorer Allah. Donc, il est mort comme ça. Donc, c'est à nous de le prendre. Et là, Allah s'entend a envoyé un ange comme arbitre. Et il leur a demandé, mesurer la distance. Depuis que là où il est parti, jusqu'à l'endroit où il est mort, et de sa mort jusqu'à là où il allait, la moindre distance l'emportera. Et ils ont vu qu'il était plus proche du village que de là où il venait, et donc c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Non. Donc, c'est pour dire quoi? Pourquoi j'avais ramené ça? L'importance d'adorer Allah avec connaissance, avec clairvoyance et avec science. Quand on dit science, on n'entend pas une immense science, non. C'est tout ce que tu fais, tu sois sûr et tu sais ce qu'il faut le faire. Si quelqu'un par exemple a entendu un dalil d'un alim sur une ibada, et fait ça, il l'a fait avec clairvoyance, même si il ne retient pas le dalil. Mais quand il a entendu l'alim, il a entendu le dalil. Donc il n'a pas suivi l'alim, il a suivi le dalil que l'alim lui a rapporté. Est-ce que vous suivez? Il y a une différence. Quelqu'un dit, oui mais un tel m'a ramené le dalil. Alors que toi, il ne t'a pas ramené le dalil. La différence est ça. La grande différence est ça. Les ulamas ne sont là que pour nous montrer le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on s'attache à eux. Mais normalement, le vrai savant, il a dit aux gens, ne vous attachez pas à moi. Car moi, je peux me tromper. J'ai une part, ma part d'erreur. Le seul qui ne se trompe pas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu infaillible. Comprenez? C'est pour ça que c'est l'importance de tawhid al-ibadah. Inch'Allah, on ne va pas trop s'attarder. Je vais m'arrêter là. C'est là pour c'est le cours de Usul al-Salata, parce qu'après le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab il commence à expliquer les sortes de l'Aïbada. Donc Inch'Allah on vous laissera ça pour le prochain cours. Wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.